ensemble les 30, 30 voleurs ensemble, tous habillés de blanc pour voler les marchands. La première des voleries qui en fait en notre vie, mes camarades et moi y avons volé le roi. Y avons été à Rennes pour y voler la reine. La reine n'y était pas, et avant volé le roi, et enfoncé les portes, les gardes étions point fortes, les cabinets secrets, et les avons trouvés. Et on défoncé les coffres pour y voler les robes, des robes aussi de l'or, le sujet de ma mort. Nous en fûmes à Nantes, à Nantes, marcher, vendre, vendre, à bière, marcher, ce qui nous a rien coûté. Le curé de Bazoges, avec sa grande robe et son bonnet carré, nous a bien magé, nous a japandre, lundi sans plus attendre, mardi sans plus tarder, à prendre, à brûler, à brûler. J'avais cru mon père aussi ma mère, il ne sait point ici et dans chez mon pays. Si j'avais cru ma femme, ma jolie femme, mes trois petits enfants, ils seraient riches, marchands, marchands. Le curé de Bazoges, avec sa grande robe et son bonnet carré, nous a bien mal jugé, nous a chapandre. Lundi sans plus attendre, mardi sans plus tarder, à pendre, à brûler, à brûler. Si j'avais cru mon père aussi ma mère, il ne serait point ici, et dans ce chez mon pays. Si j'avais cru ma femme, ma femme, ma jolie